une seconde à Louvre. Un beau matin, ça y est. T'as fait ton tour de manège, c'est bel et bien fini. Maintenant, tu crèves. Sans avoir vraiment rien connu. C'est comme de vivre dans un palais dont on a vu que les chiottes. La vie, la vraie vie. Son sirop, c'est quoi? Le fric, le confort? C'est pour ça qu'on est sur cette terre? Qu'est-ce qu'il y a, propre? Je fais des efforts, la moindre faille, gros, je l'anticipe. Comment rester qu'un homme quand tu grandis en étant anti-flic? Comme toi je marche, j'ai vu l'époque, j'ai pas trop de direction. Et je garde en tête que si ça foire, bah direct je tombe. Car moi la chance, ce n'est pas faux de l'avoir rappelé. Aujourd'hui dans l'attente, je vis ma life. Oui mais en apnée. Pas le temps de reprendre mon souffle, que je dois me rengager. La sueur caresse la joue, à côté d'une bouche enragée. Je suis poiteux au torse et gros pec à l'air. Le matin sous cachot pour calmer mes douleurs dorsaux lombaires. Je vais au taf sans avoir choix et sans diplôme. Et quand je rappe, le cahier supporte plus le poids de mon stylo. Quand ça va pas, je fais avec le singe à mauvaise mine. Mon gros, même si je suis faible, je laverai jamais mon linge en famille. Moi j'ai déjà dit, je préfère être seul dans la merde que mal accompagné. Je te laisse un 16, à toi de te comparer. Faut que tu pars en plus fort. Tous les jours je me fais du mal, un petit pépin. Et le baveux vient te soulager d'une barre. La liberté n'a pas de prix, y'aura pas de demi-tarif. T'auras plus de petit ami, t'auras beau lui dire que t'arrives. C'est fini les petites gâteries. Compte plus le nombre de cicatrices. Y'a que des dragons, ici c'est Jurassic Park. Prends pas la vie comme si c'était une partie de cartes. Sortez les atouts, moi j'ai sorti mon joker. J'ai toujours mes papiers sur moi, j'ai ma conso perse. J'ai toujours l'impression qu'on m'observe, moi c'est R2ENO. Toujours avec son collègue, c'est Lascu. Produit son qui s'immisce dans l'industrie. Hors serim.com, on vous réserve tout plein de surprises. Alors faites passer le message. Allez big up à tous ceux qui iront acheter mes t-shirts. On navigue dans un Spielberg, l'inspi traîne un vide. Mais face de rime incendiaire, sans tiède pour les infidèles. C'est plein de pipelettes, des seins, petites merdes, y'a les boules des timbres qui se pètent. Prends un ticket, les poulets, des boules c'est plein qui se perdent. On s'adapte à chaque bataille, mais v'là que ça jacque bâtard. Ça barre, car là va fermer sa chatte la gare. On a enfilé la folie, comment trouver de l'or sans filon. Sous l'effet du tagage, ma folle, j'prends pas de CC comme Ophélie. J'suis pas dans vos cochonneries, ni dans les locaux de Sony. Et j'm'en tape le coquillard, si tu boycottes nos rimes. Y'a plus de bouche, paiera plus, et les gorgés là, dalle. Et les dents de nos sphères, tu douilles si t'os faire la pute. La poisson pute nos cœurs, sens-tu l'horreur. Dehors ça chiale, c'est glacial, donc enfile ton pullover. La carotte la sens-tu, le maître pour qui tu votes. Te fuck, bolos, tu l'auras dans le cul. On est des fils de guerriers comme Conan et Sangoden. Dis-le à ces connards qui trouveront que nous sommes grotesques. Aucune balle ne transpercera nos poitrines. Nous sommes de ces histoires qui se chantent avec une voix triste. De la rancune à transmettre, car notre camp a déjà subi de grandes pertes. Et si la plèbe en réclame encore, on arrivera dans l'arène avec les couilles d'un taureau sans corps. Viendra ce jour où l'ennemi se pointera en masse, où je jouerai mon rôle comme un ailier les soirs de grands matchs. On leur laisse les paillettes et l'audimat. Nous ne sommes bons qu'à faire des rimes avec nos stigmates. Y'aura que la mort en guise de générique, comme le cadavre d'un clando s'échouant sur une plage de Tenerife. Car le rap n'est pas tel que tu le conçois. Les plus belles plumes de Paris te passent le bonsoir. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague.